4 ans de silence, et puis 3 mots prononcés hier devant la cour d'assises de l'Hérault. Oui, je reconnais. Ces mots, ce sont ceux de Sandrine Pissara, la mère d'Amandine. Après avoir nié les faits pendant des années, cette mère de 8 enfants a, ce mardi, reconnu les actes de torture et de barbarie commis sur sa fille de 13 ans. Ces aveux, nous les devons à un enregistrement glaçant capté un an auparavant par la fille d'une voisine. On y entend la voix d'Amandine qui hurle et supplie sa mère d'arrêter de la battre. Pour seule réponse, Sandrine Pissara lui dira « Je vais te crever ». Amandine est morte le 6 août 2020 d'un arrêt cardiaque causé par les coups et les privations de nourriture de sa mère. Lorsque son corps sans vie a été retrouvé, elle ne pesait plus que 28 kilos. Son visage était tuméfié, ses orbites enfoncées, son front plein de sang, ses cheveux arrachés et ses dents cassées. Hier, dans le box des accusés, Jean-Michel Cros, l'ex-compagnon de Sandrine Pissara, a lui aussi admis les faits. Le verdict est attendu d'ici la fin de semaine. La mère d'Amandine encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son ancien compagnon, lui, jusqu'à 30 ans de prison pour avoir privé sa belle-fille de soins et de nourriture. Un drame familial dont l'ampleur dépasse les murs du tribunal, car il reste cette question insupportable : comment, dans notre société, une enfant peut-elle mourir, malgré des signalements effectués depuis son enfance, dans l'indifférence la plus totale ?